Bienvenue. Dans cette session 2, nous verrons plus en détail comment transformer le trauma. Souvenez-vous de l'Impala qui échappe au guépard à 100 km/h et de l'extraordinaire énergie engagée. Souvenez-vous qu'il courait juste avant d'être attrapé ou de s'effondrer. Ce qui se passe avec le trauma, c'est que les réponses de défense, comme courir ou se protéger d'une attaque, ne parviennent pas à aller jusqu'au bout. Par exemple, quelqu'un vous attaque avec un revolver. Vous voulez fuir, mais vous ne le pouvez pas. Votre biologie vous dit de courir. Mais vous savez que si vous courez, vous serez tué. Donc cette activation, comme pour l'Impala qui se prépare à échapper au guépard, génère la même quantité d'énergie et la libère dans votre corps. Mais elle ne va nulle part parce que vous ne bougez pas. Souvent, quand les personnes sont connectées à leur corps et travaillent avec leurs sensations, tout à coup, leurs jambes ressentent l'envie de bouger. Elles veulent courir. Et la clé ici, c'est de leur permettre de courir. Pourquoi pas, à ce moment-là, repenser à l'Impala qui échappe au guépard. Vous sentirez peut-être que votre corps résiste et vous vous protégez en tenant vos bras de cette manière. Faites cette expérience. Vous pouvez bouger vos bras comme ça et découvrir cette sensation. C'est une manière d'utiliser cette énergie comme le fait l'Impala quand il essaie d'échapper au guépard. Quand vous ferez l'expérience de ces instincts de survie, fréquemment, vous pourrez sentir des secousses et des tremblements. Et j'ai découvert que la plupart du temps, quand nous sortons de l'état de choc, notre corps commence à trembler. C'est un signe qui signifie que l'on surmonte le trauma et il ne faut pas en avoir peur. Encore une fois, si c'est trop intense, arrêtez-vous un moment et faites autre chose. Allez marcher un peu et reprenez l'exercice plus tard. Et si vous avez toujours des problèmes, à nouveau, je vous demande de vous faire aider par un thérapeute formé au traitement des traumas. Toutes les pratiques que j'enseigne ont pour but de vous aider à apprivoiser petit à petit les sensations de votre corps. C'est la différence entre se sentir submergé et apprivoiser ces sensations. Souvenez-vous enfin que cette énergie de survie, c'est de l'énergie de vie. C'est notre énergie vitale. Ces modules ont pour but de vous apprendre à trouver les solutions justes, comme dans la quatrième noble vérité de Bouddha. La solution la plus juste pour vous, celle qui correspond à votre chemin, ou bien celle que vous pouvez utiliser sur votre chemin de guérison du trauma.